cuir vêtu. Ils vont par les rues qui sont ces gars sans foi ni loi. Ils ont 15 ans depuis bien longtemps. Le temps pour eux n'est pas sérieux. Ils ne veulent pas passer leur vie compter derrière un établi. L'aventure les attend dehors. Ils veulent vibrer encore. Parfois violent, toujours provoquant. Il aime que les jeux dangereux. Ils savent bien qu'on meurt à la fin. La vie pour eux c'est pas sérieux. Et comme les enfants perdus, avide de joie défendue, toujours ils vivent à 100 à l'heure et rien ne leur fait peur. Dans les bars de la ville, leur glissent des regards langoureux. Mais ils ont au cœur blessures et rancœurs. Un amour déçu les a perdus. Et sur les rythmes frénétiques, sur l'alcool et la musique, brûlant leurs amours dérisoires.